Deuxième livre de Samuel, chapitre 24. Or la colère de l'Éternel s'embrasa encore contre Israël, parce que David fut incité contre eux à dire, « Va, dénombre Israël et Juda. » Le roi donc dit à Joab, chef de l'armée, lequel il avait avec soi, « Passe maintenant par toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Séba, et dénombre le peuple, afin que j'en sache le nombre. » Mais Joab répondit au roi, que l'Éternel ton Dieu veuille augmenter ton peuple autant, et 100 fois autant qu'il est maintenant, et que les yeux du roi mon Seigneur le voient, mais pourquoi le roi mon Seigneur prend-il plaisir à cela? Néanmoins la parole du roi l'emporta sur Joab, et sur les chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée, sortirent de la présence du roi pour dénombrer le peuple, savoir Israël. Ils passèrent donc le Jourdain, et se campèrent en Aroé, à main droite de la ville, qui est au milieu du torrent de Ga, et vers Jazé. Et ils vinrent en Galaa, et dans la terre de ceux qui habitent au bas pays Notsi, et vinrent à Danjaan, et ensuite aux environs de Sidon. Et ils vinrent jusqu'à la forteresse de Tsor, et dans toutes les villes des Éviens, et des Cananéens, et sortirent vers le midi de Juda à Beer-Séba. Ainsi ils traversèrent tout le pays, et revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Et Joab donna au roi le rôle du dénombrement du peuple, et il y eut de ceux d'Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et de ceux de Juda 500 000 hommes. Alors David fut touché en son cœur, après qu'il eut fait ainsi dénombrer le peuple, et David dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela, mais, je te prie, ô Éternel, pardonne l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. » Après cela David se leva dès le matin, et la parole de l'Éternel fut adressée à Ga le prophète, qui était le voyant de David, en disant, « Va, et dis à David, ainsi a dit l'Éternel, j'apporte 3 choses contre toi, choisis l'une des 3, afin que je te la fasse. » Ga vint donc vers David, et lui fit entendre cela en disant, « Que veux-tu qu'il t'arrive, ou 7 ans de famine sur ton pays, ou que durant 3 mois tu fuis devant tes ennemis, et qu'ils te poursuivent, ou que durant 3 jours la mortalité soit en ton pays? Avise-y maintenant, et regarde ce que tu veux que je réponde à celui qui m'a envoyé. » Et David répondit à Ga, « Je suis dans une très grande angoisse. Je te prie que nous tombions entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont en grand nombre, et que je ne tombe point entre les mains des hommes. » L'Éternel donc envoya la mortalité en Israël, depuis le matin jusqu'au temps de l'assignation, et il mourut du peuple depuis Dan jusqu'à Beer-Séba, 70 000 hommes. Mais quand l'ange eut étendu sa main sur Jérusalem pour la ravager, l'Éternel se repentit de ce mal-là, et dit à l'ange qui faisait le dégât parmi le peuple, « C'est assez, retire à cette heure ta main. » Or l'ange de l'Éternel était auprès de l'aire d'Arona Jébusien. Car David voyant l'ange qui frappait le peuple, parla à l'Éternel, et dit, « Voici, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis l'iniquité, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Je te prie que ta main soit contre moi, et contre la maison de mon père. » Et en ce jour-là Ga vint vers David, et lui dit, « Monte, et dresse un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arona Jébusien. » Et David monta selon la parole de Ga, ainsi que l'Éternel l'avait commandé. Et Arona regarda, et vit le roi, et ses serviteurs qui venaient vers lui, et ainsi Arona sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Arona dit, « Pour quel sujet le roi mon seigneur, vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter ton aire, et y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cette plaie soit arrêtée de dessus le peuple. » Et Arona dit à David, « Que le roi mon seigneur prenne, et offre ce qui lui plaira. Voilà des bœufs pour l'holocauste, et des chariots, et un attelage de bœufs au lieu de bois. » Arona donna tout cela au roi comme un roi. Et Arona dit au roi, « L'Éternel ton Dieu veuille t'avoir pour agréable. » Et le roi répondit à Arona, « Non, mais je l'achèterai de toi pour un certain prix, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu des holocaustes qui ne me coûte rien. » Ainsi David acheta l'aire, et il acheta aussi les bœufs 50 cycles d'argent. Puis David bâtit là un autel à l'Éternel, et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité, et l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie fut arrêtée en Israël.